الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، enfin, aujourd'hui, on essaye de terminer ensemble le résumé de cette partie de la Ta'if al-Ma'arif de l'imam Ibn Rajab, rahmatullah alayhi, concernant le mois de Sha'ban. Amma notre dars sur Al-Wasitiyya et Riyad al-Salihin, bi-idhnillahi ta'ala, on reprendra à partir de demain. Qala الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وظائف شهر شعبان. وظائف شهر شعبان ويشتمل على مجالس. نعم، dans ce livre il cite le mois qu'il veut traiter رحمه الله. Il les a cités dans l'ordre. ثم il cite plusieurs مجالس. والمجالس c'est le pluriel de مجلس. والمجلس ça vient de الجلوس, le fait de s'asseoir. Enfin, le majlis, c'est une assise. Il a traité, rahmatullah alayhi, plusieurs points concernant le mois de Sha'ban sous forme d'assise. La première assise, le majlis al-awwal fi siyam, est concernant le jeûne du mois de Sha'ban. Il a cité plusieurs ahadiths, rahimahullah. Et parmi ces ahadiths, qala: وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور. أي النبي صلى الله عليه وسلم يجنه le mois de شعبان contrairement aux autres mois. Bien sûr, عليه الصلاة والسلام يجنه le mois de رمضان, c'est une obligation. لكن autre que le mois de رمضان, enfin, le jeûne, ou le mois qu'il jeûnait le plus, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le mois de Sha'ban. قال فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. Donc Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte, elle n'a pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet sauf le mois de Ramadan. Et le mois qu'il jeûnait le plus, autre que le mois de Ramadan, c'était le mois de Sha'ban alayhi salatu wa salam. Qala rahimahullah, zad al-Bukhari fi riwayatin kana yasumu Sha'ban kullah. Walimuslim fi riwayatin kana yasumu Sha'ban kullah. كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية للنساء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان كان يصله برمضان. C'est أحاديث يمونتر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجون لمواد الشعبان أنتي. والحافظ ابن رجب رحمه الله إلى سيتي plusieurs narrations, plusieurs versions. ثم رحمه الله il a cité une mas'ala importante. Est-ce que c'est permis de jeûner le mois de Sha'ban entièrement amla? كذلك si on le jeûne entièrement, est-ce que c'est permis de jeûner le jour du doute? Il y en a à la fin de Sha'ban, le mois qui succède à Sha'ban, c'est le mois de Ramadan. ثم à la fin de Sha'ban, il y a ce que les ulama ils appellent yawm al-shak, le jour du doute. Et on ne sait pas est-ce que c'est Ramadan amla. Donc c'est le jour du doute et on a des hadiths que ce jour on ne doit pas le jeûner. Donc on lit awwalan les hadiths thumma naqra kalam al-hafidh rahimahullah pour connaître le jugement, le hukm. قال وعنها اي عن عائشة وعن ام سلمة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. Donc plusieurs أحاديث عن عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها أطخ أن النبي صلى الله عليه وسلم يجون لمواد شعبان لمواد رمضان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وقد رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان. Beaucoup de savants, ils ont affirmé أن النبي صلى الله عليه وسلم il n'a pas jeûné un mois entier sauf le mois de Ramadan. Donc, il ne jeûnait pas le mois de Sha'ban entier. قال وإنما كان يصوم أكثره ويشهد له ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كله إلا رمضان. So, حديث في صحيح مسلم أي عائشة رضي الله عنها التموان أن النبي صلى الله عليه وسلم il n'a pas jeûné un mois entier sauf le mois de Ramadan. قال وفي رواية له أيضا عنها أي رواية لها أي لمسلم عنها أي عن عائشة قالت ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. على كل حال هنا دو حديث plusieurs versions لكن on peut résumer en deux hadiths. Un hadith qui montre أن النبي صلى الله عليه وسلم jeûnait le mois de شعبان entier et bien sûr le mois de رمضان et un autre hadith qui montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait pas le mois de Sha'ban entier. Fa huna la bud min jam' li anna ces hadith ils se contredisent pas. Voilà aussi fi dhahir pour nous il y a une contradiction. On va lire ba'd kalam ahli al-'ilm et inshallah ta'ala on pourra faire le lien entre toutes ces narrations, tous ces hadith. قال الحافظ رحمه الله أي ابن رجب وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان. وكان ابن عباس يكره أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان رضي الله عنه. Donc on a un dernier hadith et il est في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما يوصل أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجنى pas un mois entier, excepté le mois de Ramadan. Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah, fil Fath, il a un kalam jamil, il a résumé cette mas'ala. Faqala, rahimahullah, inna haditha Aishata, radiyallahu ta'ala anhu, radiyallahu ta'ala anha, yubayyin anna al-murad bi qawlihi fi hadith Ummi Salama, ay anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait le mois entier, ay de Sha'ban, et Aisha, radiyallahu anha, elle a montré qu'il ne jeûnait pas le mois entier de Sha'ban. Donc, Al-Hafid, il a cité le jam'a. Et comment rassembler ces deux hadiths ? قال أي كان يصوم معظمه ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله. Ça, c'est un jawab, c'est une réponse. Al-Arab, parmi leur façon de parler, أحيانا parfois, ils disent, on a fait cette chose tout le mois, et le sens, c'est une grande partie du mois, ou la plupart de ce mois. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait cette chose du premier jour au dernier jour. Ils disent tout pour montrer la plupart. C'est pour ça que Ibn al-Mubarak, et c'est un grand imam, rahmatullah alayhi, il a cité ce sens. Wa qala at-tibi rahimahullah. Un autre savant qui a expliqué Sahih al-Bukhari قال يحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى لألا يتوهم أنه واجب كرمضان. Deuxième explication نقلها الإمام الطيبي رحمه الله واختارها الشيخ بن باز رحمه الله عن notre époque. أن Umm Salama, radiyallahu anha, elle a rapporté à un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné le mois de Sha'ban entier, et c'était pendant une période. أي une année il a jeûné le mois de شعبان entier. عائشة رضي الله عنها وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم ils ont rapporté à la Nabi sallam il jeûnait pas le mois de شعبان entier. أي durant une année. Et ça montre que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà jeûné le mois de Sha'ban entier et parfois il ne le jeûnait pas entier. هذا كذلك سنة جمع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الأول هو الصواب. Donc الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح أن الصحيح c'est الأول. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم il ne jeûnait pas le mois de Sha'ban entier. Pourquoi? Parce que الحقيقة le hadith أنه il jeûnait que le mois de Ramadan entier fihi hasr. Et ça montre bien que c'est réservé que pour Ramadan. Et les autres hadiths, comme vous le savez, les hadiths, ils sont en langue arabe. Donc la langue arabe, elle a un rôle très très important. Et pour faire le jam', كثير من العلماء, ils ont cité cette explication. فالله تعالى أعلم. أما ما يتعلق بيوم الشك, سيأتي معنا, et ça va encore clarifier cette مسألة. لأن à la fin de Ramadan, on répète, il y a le jour du doute. Est-ce qu'on peut le jeûner أم لا؟ هذا إن شاء الله on laisse pour نعم à la fin de ce chapitre ou quand l'auteur il le citera on le lira بإذن الله. قال رحمه الله فظهر بهذا أن أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده. Ça nous montre أن les jeûnes recommandés et les jours de jeûne recommandés qui sont proches de Ramadan, ils ont un fadl azim dans notre din. Vous avez remarqué que Ramadan, le mois qui le précède, c'est Sha'ban. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait la plupart de ce mois. Le mois qui succède à Ramadan, c'est Shawwal. Ou An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré à celui qui jeûne 6 jours après le mois de Ramadan, Alhamdulillah, il a une énorme récompense. C'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Comme taqaddam ma'ana kathiran. Le mois de Ramadan, 30 jours, plus les 6 jours de Shawwal, ça fait 36 jours. Et si tu les multiplies par 10, li'anna al-hasana bi'ashr, ça te donne 360 jours. 36 jours fois 10, ça donne 360 jours. Et c'est le nombre des jours de l'année. Donc celui qui jeûne Ramadan, ثم il le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année بإذن الله عز وجل. قال وذلك يلتحق بالصيام رمضان لقربه منه وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها فيلتحق بالفرائض في الفضل وهي تكملة لنقص الفرائض. Il a fait, rahmatullah alayhi, هنا, une comparaison طيبة. Il a comparé les jours de jeûne avant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan comme les rawatib par rapport à salat. Les rawatib, c'est des salawats qui sont recommandés avant et après les salats obligatoires. Ou certaines. مثلاً, al-maghrib, c'est après. Al-isha, c'est après. Al-tuhur, c'est avant et après. العشاء العصر أقصد c'est avant, الفجر c'est deux rak'at avant, c'est ça الرواتب. Il y a des salawat qui sont pas obligatoires lakin qui sont liés à la prière, à la salat obligatoire. Enfin, il a comparé le siyam de Sha'ban qui est juste avant Ramadan et le siyam de Shawwal qui est juste après, c'est des rawatib du siyam obligatoire comme les salawat, elles ont des rawatib. Ça nous montre l'importance de faire des efforts pour jeûner durant ce mois de Sha'ban. قال وهي تكملة لنقص الفرائض. Et ça nous montre l'importance des nawafil, que ça soit pour le siyam ou pour salat ou pour autre. لأن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أي يوم القيامة. Certains ibad, ils auront un manque dans leur salawat. Aïe, ils auront un manque dans leur salat obligatoire. Imma certaines, ils les ont pas fait à l'heure. Imma certaines, ils les ont pas faites. Imma muhim, un manque. فالله سبحانه وتعالى يجرى يوم القيامة انظروا هل لعبدي من نافلة أو من نوافل. Est-ce que ce serviteur, mon serviteur, il a une prière, une salat recommandée pour compléter ce manque qu'il a dans l'obligation. Ça, c'est min a'zam fawa'id an-nawafil. C'est pour ça que on doit faire des efforts. C'est pas obligatoire. Celui qui ne fait pas le siyam pendant Sha'ban, il a commis aucun péché. Lakin, c'est du plus pour le mu'min. Et vu qu'on a des faiblesses dans nos obligations, parce qu'on est des êtres humains, avec nos manquements, nos défauts, nos imperfections, هذه النافلة, elle complète les manques qu'on a eu. Enfin, combien de manques on a eu dans siyam Ramadan? C'est pour ça que les ulama ينصحون الذين قصروا في صيام رمضان الواجب مثلا بعضهم ils ont pas jeûné le siyam de Ramadan pendant des années. ثم هداهم الله سبحانه وتعالى, et ils se repentent, ils font tawbah et ils commencent à jeûner le mois de Ramadan. Et on peut citer un exemple, ils ont manqué 10 Ramadan. Pendant 10 ans, ils n'ont pas fait le siyam. Naam. Fa'a'oula, al-ulama, ils conseillent annahum yukthiruna minan nawafil. Faire beaucoup de siyam recommandé pour compléter les manques qu'on a eu. Et vu qu'on a tous des manques, on a tous des imperfections dans nos adorations, fa'annafila, l'adoration recommandée, elle complète le manquement. هذا سان كلام جميل. ثم قال رحمه الله وقد ظهر بما ذكرناه وجه صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان دون غيره من الشهور وفيه معان أخر وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة معنيين. حديث أسامة رضي الله عنه الشيخ الألباني لصحح dans سنن النسائي قال أحدهما أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان الشهر الحرام وشهر الصيام اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. نعم, حديث أسامة رضي الله عنه, النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفرمي أن من فضائل شهر شعبان أو pourquoi, ils ont demandé pourquoi le prophète, pourquoi il jeûnait le mois de Sha'ban? Un Nabi, il leur a montré, c'est un mois où les gens ils tombent dans l'insouciance. Pourquoi? L'annahu, il est entre deux mois qui ont un fadl. Le mois de Rajab, qu'on a étudié hier, ou avant-hier. Et c'est min al-ashhur al-hurum. Et taqaddam ma'ana, annahu, il n'a pas une adoration spécifique liée à ce mois. Lakin, c'est un shahr min al-ashhur al-hurum. Donc Allah, il a élevé ce mois par rapport aux autres. Et kadhalik, le mois de Ramadan, les bienfaits sont connus de tous, walillahi alhamd. Donc Sha'ban, il est entre ces deux mois. Falihada, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'efforçait de jeûner pour ne pas tomber et pour montrer surtout à sa umma, amma lui, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est afdal al-nas, pour montrer à sa umma de ne pas tomber dans l'insouciance, à ne pas oublier. قال اشتغل الناس بهما عن فصار مغفولا عن وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام وليس كذلك حتى البعض يpense que le mois de Rajab c'est mieux que le mois de Sha'ban من حيث الصيام أي dans le fait de jeûner. Pourquoi? Parce que Rajab il fait partie des mois sacrés كما تقدم, et Sha'ban il fait pas partie des mois sacrés, et Ramadan c'est le meilleur mois. Peut-être qu'ils font passer le jeûne du mois de Rajab, alors qu'il n'y a aucun dalil de spécifier un jour de Rajab comme certains font en jeûnant. Tout ça, c'est des innovations. Et ils délaissent le mois de Sha'ban. C'est pour ça que la sunna du prophète, alayhi salat salam, c'est de faire des efforts dans le mois de Sha'ban. Et ba'dhum, ils ont cité une autre ma'na, pourquoi le Nabi salat salam, il jeûnait le mois de Sha'ban. قال ابن رجب رحمه الله وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان. Beaucoup de savants ils citent ce point, cette cause. أي أنه c'est comme un entraînement pour le mois de Ramadan. كالتمرين. أي peut-être que ce musulman il n'a pas beaucoup jeûné durant toute l'année et avant de commencer le mois de Ramadan il jeûne le mois de Sha'ban et c'est katamrin, c'est comme un entraînement pour lui. Bien sûr, tout ça avec une niya tayyiba, c'est une adoration azima. Lakin, al-ulama, ba'd al-ulama, il cite cette cause. قال لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة. صحيح. هذا c'est clair. celui qui ne jeûne pas pendant longtemps, مثلا, toute l'année, il ne jeûne pas. Thumma, il commence le mois de Ramadan directement, il jeûne. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire, il n'a pas le choix. Les premiers jours, c'est très très difficile pour cet homme ou pour cette femme. Enfin, al-hikma qu'ils ont cité, le mois de Sha'ban, c'est at-tamrin, c'est pour se réhabituer à jeûner. Et bien sûr, le musulman, s'il a une bonne intention, il est récompensé. قال بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. Aïe, ça va lui permettre de commencer le mois de Ramadan avec force, quwa et nashat et motivation. Ça nous montre, et c'est une faïda azima pour nous tous, une leçon très très importante, elle n'a plus, on s'habitue à faire le siyam, plus le jeûne, le siyam, ça devient simple. Ceux qui ont l'habitude de jeûner, matalan le lundi et le jeudi, ou 3 jours par mois, ou le jeûne du prophète Daoud, alayhi salatu salam, siyam Daoud, a jeûné un jour et mangé un jour, Thomas jeûné un jour, Hakada un jour sur deux, Fahaoula, ils s'habituent. Ils s'habituent et tu les trouves en général, ils ont de la quwa et du nashat. Ce genre de personnes qui font beaucoup de siyam, tu les trouves en général, ils sont motivés. Ils sont motivés et ils ont de la force. Ils ont de la force, contrairement à ceux qui mangent beaucoup. Et ma'lou, maintenant, le fait de manger beaucoup, c'est pas bon pour la santé. On a déjà fait at-tambih. Et vous avez remarqué que al-ulama, quand il cite les hikam, il se base sur l'adoration. On fait attention. Et on a déjà cité hada, lakin là, on le répète pour ceux qui n'ont pas assisté avec nous. On a le but de siyam, c'est de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه من صام يوما في سبيل الله أبعد الله وجهه من النار 70 خريفا أي 70 عاما. Celui qui jeûne un jour في سبيل الله أي pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, son intention c'est la satisfaction d'Allah عز وجل, c'est la récompense. Allah il éloigne son visage du feu 70 ans. Un jour, ça doit être cela notre intention. Et bien sûr, si ça a comme conséquence des bonnes choses, alhamdulillah. Lakin, le point que je voulais citer, c'était notre intention, ça doit pas être, comme certains, ils en parlent beaucoup, le jeûne c'est pour la bonne santé, ça nous préserve des maladies, c'est utile contre tel mal, contre telle maladie, contre telle douleur. Ça doit pas être ça notre but. Al-ibada, c'est l'ibada, c'est l'Allah, azza wa jal. Et la shaka en Allah, subhanahu wa ta'ala, si il a légiféré le jeûne, c'est qu'il y a un bien énorme. Il y en a tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il légifère, c'est pour le bien de l'être humain. Même si la plupart des gens, ils ne veulent pas écouter. Bah, notre intention première, c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour perdre du poids, c'est pas pour suivre tel médecin qui a dit le jeûne se taille. Ba'd al-kuffar, ils font le jeûne. Là, ils n'ont pas d'intention, ils n'ont aucune récompense. Il gagne la faim et la soif, et si c'est bon pour telle chose, ils profiteront de cette chose. Amma, la récompense, ils n'ont pas. L'essentiel, c'est la récompense. Amma, la bonne santé et la akhri, on fait les causes, lakin, sans mélanger les adorations et les causes. Fantabih, akhil karim. Qala, wa lamma kana sha'ban kal muqaddima li ramadan shuri'a vihi ma shuri'a ma yushra' fi ramadan min as-siyam wa qira'ati al-qur'an li yahsula at-ta'ahub لتلقي رمضان إلى آخره. نعم بعض السلف كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أنهم يفزوا الصيام pendant شعبان en suivant la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, et كذلك يفزوا des efforts dans la lecture du Coran. ثم قال المجلس الثاني. Donc on a fini la première assise et on la résume. أن النبي صلى الله عليه وسلم il jeûnait la plupart du mois de شعبان. Et il y a des hadiths qui montrent qu'il jeûnait le mois de Sha'ban entier, lakin al-hadith qui est dans le Sahih, qui est dans le Sahihayn, un autre hadith, il montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne jeûnait que le mois de Ramadan entier. Et les savants, ou certains savants plutôt, ils ont dit, la parole de Salama radiyallahu anha, ou autre, qui disait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait entier, et il jeûnait la plupart. En langue arabe, le mot entier, kul, de temps en temps, il a la signification de la plupart. Fahada, c'est un jam atayib. D'autres savants, ils disaient de temps en temps, ils jeûnaient le mois entier, de temps en temps, ils ne le jeûnaient pas entier. Ala kulli hal, stafadna, anna le fait de jeûner la plupart du mois de Sha'ban, c'est une sunnah. La deuxième assise, qal, fi dhikr nisf Sha'ban. La deuxième assise, il l'a consacré, rahmatullah alayhi, sur la moitié de ce mois. Aïe, le 15e jour et la 15e nuit. قال خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان وصححه الترمذي وغيره. Donc في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا انتصف شعبان أي quand la moitié du mois de Sha'ban, elle commence. Et à partir du 15, فَلَا تَصُومُ ne jeûnez pas. Ne jeûnez pas jusqu'au mois de Ramadan. هذا c'est un hadith qui a été rapporté par plusieurs imams. قال ابن رجب رحمه الله واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به. Les savants, ils ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. كذلك ils ont divergé sur sa mise en application. Sa mise en application. قال فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم. Donc certains savants ils l'ont authentifié ou ils l'ont rendu hassan comme l'imam al-Tahawi, l'imam ibn Hibban et autres, et d'autres ils l'ont rendu ضعيف. والإمام ابن رجب رحمه الله il a cité cette précision en ceux qu'ils l'ont rendu vaïf, et ce hadith, ils étaient a'lam. Et ça, ça nous montre l'importance dans l'étude des chaînes de transmission du hadith, de revenir à immatu hadha al-fun al-azim. Si l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a un qawl. Si l'imam Ahmed, rahimahullah, il a un qawl. Kadhalika, l'imam Abu Hatim, l'imam Abu Zur'a, l'imam Nasa'i, l'imam Daraqutni, ha'ula al-a'imma, quand ils ont un qawl, ça ne veut pas dire qu'on suit aveuglément. Là, lakin, tu dois le prendre en considération. Tu dois étudier al-mas'ala. Tu dois étudier al-mas'ala pour savoir est-ce que ceux qui l'ont authentifié, ils l'ont authentifié en ayant saisi les causes de ceux qui ont cité la faiblesse. Al-ilal, avec des causes qui ne sont pas claires pour tout le monde. Et si on ne les prend pas en considération, peut-être qu'on va authentifier un hadith ou le rendre hassan alors qu'à la base, il est faible. قال وقالوا هو حديث منكر. يتعلمون أن المنكر كما نرى في البيقونية أنه ضعف شديد أي il est très très faible. منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم. هؤلاء من أئمة الحديث. عبد الرحمن بن مهدي c'est قارين الإمام أحمد. Il est à l'époque de l'imam Ahmed. وأبو زرعة c'est un grand imam كذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله لم يروي العلاء حديثا أنكر منه. الإمام أحمد رحمه الله il a dit أن العلاء il n'a pas rapporté un hadith أنكر أي aussi faible que celui-là. Ça c'est un جرح شديد. الإمام أحمد il a démontré أن ce hadith il est faible. ورده بحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فتأمل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم dans الحديث الصحيح qui est cité dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. Et ne devancez pas Ramadan d'un jour ou de deux jours. Et essayez de faire le lien avec la première mas'ala. Vous vous rappelez de jeûner tout le mois de Sha'ban. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال ne jeûnez pas un jour avant ou deux jours avant Ramadan. Ça renforce le qawl que as-sunnah c'est de ne pas jeûner le mois de Sha'ban entier. Là, c'est de jeûner celui qui peut et qui veut, la plupart, s'il veut jeûner tous les jours sauf les deux derniers, fatayyib. Fa'ala kulli hal, al-imam Ahmad il a cité ce hadith pour montrer que ce hadith il est authentique, on n'a aucun doute. Il est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Donc ne devancez pas Ramadan en jeûnant un jour ou deux jours, qui précède le mois de Ramadan, les deux derniers jours de Sha'ban. On revient au hadith da'if, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha intasafa Sha'ban, fala tasumu hatta Ramadan. À partir du 15, ne jeûnez plus. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle deux jours. Et il n'y a aucun doute qu'entre le 15, tu rajoutes le 16, le 17, le 18, le 19, tu montes jusqu'au 25, 26. Enfin, si c'est un mois à 29, tu peux jeûner jusqu'au 27. Donc, entre le 15 et le 27, il y a 12 jours. Donc, un avis sans salam, ce qui nous a déconseillé ou interdit, c'est de jeûner 2 jours. Donc, ça nous montre que le hadith ou que l'interdiction ou le fait qu'il est déconseillé, ça commence à partir du 15, il est daïf. L'imam Adali Anaoui contredit ce hadith authentique. قال ابن رجب رحمه الله فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين. Ce hadith, مفهومه, qu'est-ce que tu comprends de ce hadith? Ne jeûnez pas avant Ramadan 1 ou 2 jours, que tu peux jeûner jusqu'à cette limite. Donc tu vas dépasser le 15 de Sha'ban. قال رحمه الله وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالفه. الأثرم رحمه الله, il a démontré que tous les hadiths contredisent ce hadith. Ne jeûnez pas après le 15 de Sha'ban. قال يشير إلى أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان. كذلك on n'oublie pas les hadiths qu'on a vus au départ عن أم سلمة رضي الله عنها عن عائشة etc. أن النبي صلى الله عليه وسلم يجنه le mois de شعبان أو la plupart du mois de شعبان. Et là, chaque année, si jeûne tout le mois de شعبان أو si on prend la vie la plupart du mois de شعبان, il y a aucun doute qu'il a jeûné après le 15. فهذا قال فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة وقال الطحاوي هو منسوخ لأن الطحاوي رحمة الله عليه fait partie de ceux qui l'ont authentifié أي ce hadith faible لكن جمعا بين الأدلة il a dit les منسوخ على كل حال même ceux qui disent que le hadith il est authentique certains parmi eux ils disent que on peut pas l'appliquer il a été abrogé قال وحكى الإجماع على ترك العمل به. Il a rapporté l'unanimité à l'imam Tahawi qu'on n'applique pas ce hadith. Et on peut jeûner après le 15 de Sha'ban. Ça nous montre l'ijma' de l'imam Tahawi fihi nadhar. L'anna ibn Rajab, rahimallah, juste après, il a cité anna. Certains savants ils disent que on ne doit pas jeûner après le 15. Lakin, al-qawli il est marjouh. Ça nous montre, كما تقدم معنا كثيرا, أن عند الخلاف on fait passer الدليل. لأن avec الدليل, tu auras des imams. L'imam Ahmed, l'imam الطحاوي, l'imam Ibn Rajab, وكم من أئمة. رحمهم الله, ils ont montré que c'était permis. قال ونهوا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة. Ça c'est le قول de ceux qui mettent en application ce hadith. Ils disent, أن المعنى, أي ne pas jeûner après le 15 de شعبان, c'est pour ceux qui ne jeûnent pas depuis le début. Maintenant, le wahid, il fait pas de jeûne le mois de Sha'ban. Il ne jeûne pas. Donc, à partir du 15, il veut jeûner. Ils disent là, il y en a un hadith. Ils disent, tu peux pas jeûner après le 15. Lakin, taqaddam ma'ana anna al-hadith il est da'if. Donc, celui qui jeûne n'importe quel jour de Sha'ban, inshallah, il est à la khair. Sauf, bien sûr, on verra le dernier jour ou les 2 derniers jours par rapport au jour du doute. قال ووافقهم بعض المتأخرين من أصحابنا. Donc Ibn Rajab rahimahullah il a l'akhas هنا cette mas'ala avec un kalam très simple et jamil. Al-khulasa c'est que c'est permis de jeûner après le 15, avant le 15, au début du mois, au milieu du mois et à la fin du mois inshallah ta'ala on verra. Et le dernier jour ou les 2 derniers jours. ثم إلى سيد النوت مسألة قال فأما صيام يوم النصف منه فغير منهي عنه. Il y a une autre مسألة. Est-ce que c'est permis de jeûner le 15e jour? Est-ce que c'est permis de jeûner le 15e jour? Elle seule. ثم on verra. Est-ce que c'est permis de penser qu'il a un bienfait? Il a une chose spécifique ce jour. Maintenant comme le jour de Arafah, comme le jour de Ashura. Ces jours, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré que c'est bien de les jeûner. Est-ce que le 15 de Sha'ban c'est la même chose? قال فإنه من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل شهر. Ça nous montre que Ibn Rajab rahimahullah il a cité que le 15 c'est permis de le jeûner. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des 3 jours min أيام البيض. Ils traduisent les jours blancs, les jours de pleine lune. Les jours ou les nuits de ces jours, c'est la pleine lune. C'est pour ça qu'ils appellent Ayyam al-Bidh. Il y en a dans ces nuits, avec la pleine lune, tu vois. C'est comme si c'était en plein jour, Ahiyanan. Ou ça ressemble à la journée, tellement que la lune, elle est claire. C'est pour ça qu'ils les ont appelés Ayyam al-Bidh. Donc, le 15, il fait partie de ces jours. Le 13, le 14, 15, c'est une sunna de les jeûner chaque mois. قال وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه. لكن هنا حديث كي مونتر أن جوني لو 15 دو شعبان سي بيان. قال ففي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتليا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. Donc ce hadith il spécifie la journée du 15 avec le jeûne et la nuit du 15 avec la salat, avec al-qiyam. Ay veiller en salat et la journée jeûner. لكن كما سمعت الإمام نرجب رحمه الله قال إسناده ضعيف. La chaîne de transmission elle est faible. وبعض العلماء يحسنون. الإمام الألباني رحمه الله يحسن هذا الحديث بمجموع الطرق. Et certains savants ils le حسن لكن الذي يظهر c'est que le hadith il est ضعيف. قال الإمام ابن باز رحمه الله on peut citer une fatwa هنا أنه سئل عن حكم تخصيص صيام النصف من شعبان. Est-ce que c'est permis de spécifier le 15e jour de شعبان en jeûne? فأجاب رحمه الله ليس له أصل كونه يخص أو يخص اليوم الخامس عشر ليس له أصل. أي aucune source authentique qu'il faut jeûner le 15 et le spécifier. On parle pas des 3 jours, 13, 14, 15, hada c'est une sunna, il y a aucun doute. Lakin penser que le 15 seul c'est bien, il y a aucun dalil sahih. قال وليس في السنة الصحيحة ما يدل على ذلك لكن إذا صام أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا مستحب نعم في جميع الشهور. Donc ça c'est permis pour tous les mois. Jeûner le 13, le 14 et le 15. انتهى من نور على الدرب. ثم قال ابن رجب رحمه الله وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أخر متعددة وقد اختلف فيها فضعفها الأكثرون وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيح. Donc il y a des autres أحاديث sur les bienfaits de la nuit du 15 de شعبان لكن كما قال الحافظ رحمه الله c'est des أحاديث ضعيفة. Certains savants ils en ont rendu authentique ou rendu hassan. Lakin, l'avis authentique, c'est qu'il n'y a rien d'authentique concernant la journée du 15 de Sha'ban et كذلك la nuit du 15. Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, bayyana annahu ma saha shay'un fi nisfi Sha'ban. Il n'y a aucun hadith authentique sur la moitié de Sha'ban, que ce soit la journée ou la nuit, que ce soit le jeûne ou veiller en salat. والإمام نباز رحمه الله قال إلى مقال طيب في مجموع الفتاوى إلى تخطي ست مسألة أي ce point par rapport à la moitié de شعبان. On le résume. قال من البدع التي أحدثها الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان. Donc ils ont plusieurs بدع pour la 15e nuit de شعبان et كذلك la journée. أما la nuit, بعضهم يفت cette nuit. Comme certains ils font pour ليلة القدر. ليلة القدر, c'est pas une nuit où qu'on la fête. Là, c'est une nuit pour faire الصلاة. أما les repas se rassembler dans les masajid, tout ça c'est من البدع. السلف ils faisaient pas هذا. الصحابة رضي الله عنهم, ils ont jamais fait هذا. النبي صلى الله عليه وسلم, il a jamais fait هذا. Et بعضهم ils font cette bid'a à la nuit du destin, ou le 27, qui peut être la nuit du destin. Et بعضهم ils la font كذلك cette bid'a le 15 de شعبان. قال والتخصيص يومها بالصيام. Et كذلك بعضهم ils spécifient cette journée le 15 avec le jeûne. Et Cheikh Ibn Baz رحمه الله il a montré que c'est une bid'a. وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة كما تقدم. Plusieurs hadith faibles sur le jeûne du 15 de شعبان. قال أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم. نعم. أما concernant la salat durant la 15e nuit de شعبان فالحديث أو لابارتي دو حديث على أنكور بلو فيبل. فلهذا قال شيخ ابن باز موضوع سي دي أحاديث انفونتي سي دي مونسونج. نعم فبعض العلماء يحسنون سيغتان أحاديث كم شيخ الألباني، لكن كونسيرن لا صلاة il faudrait regarder plus en détail. Et à la kulli hal, même ceux qui ont rendu ces hadiths hasana, al-sawab, c'est que ces hadiths, ils sont da'if. Et celui qui veut les détails, fa, Ibn Rajab, rahimahullah, il a cité quelques points, et kadalik, dans les livres des savants du hadith, Kutub al-Ilal, ils ont détaillé hada. Majmou' al-Fatawa, le premier volume. Et ce kalam qu'on vient de lire de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Al-Khulasa, on résume cette mas'ala, anna la moitié de Sha'ban, le 15 de Sha'ban, il n'y a aucun fadl par rapport au reste du mois. Le 15 de Sha'ban, c'est comme le 10, le 11, le 12, et la Aghri, c'est bien de jeûner sans le spécifier. Kadalik, le 15, ça rentre dans Umoum Ayyam al-Bid, 13, 14, 15 de chaque mois. Amma, un hadith spécifique sur le 15, que ça soit la journée ou la nuit, que ça soit le jeûne ou veillé en salat, il n'y a pas de preuve. Hada, wallahu a'lam. Donc, on spécifie pas ce jour. Aïe, celui qui veut jeûner le 15, il jeûne avec l'intention que c'est Sha'ban. Ou avec l'intention de faire le 13, 14, 15. Ou l'intention de faire 3 jours par mois. Les 3 jours par mois, c'est pas forcément 13, 14, 15. Tu peux faire le 15, le 19, le 22. Mouhim, 3 jours dans le mois, c'est tayyib. Ayyam al-Bayd, c'est tayyib. Il y a un hadith. Et le mois de Sha'ban, c'est tayyib. C'est légiféré. À ma pensée que le 15 de Sha'ban, c'est bien. Comme on spécifie le jour de Arafa, ou le jour de Ashura, ou le jour qui précède Ashura, il n'y a aucune preuve. Donc on fait attention au bid'ah. Notre dîn, il est clair. Wa a'immat al-sunnah, ils ont clarifié, ils ont distingué entre al-sunnah et le bid'ah. Entre la sunna et l'innovation. Ils ont distingué, walillahi alhamd, entre ce qui est acceptable et ce qui est rejeté. Lakin al-insan, il doit faire des efforts. Wa nastafid min hadha anna akhi al-karim, quand il y a une munasaba, mathalan, c'est bientôt Ramadan. Fais des efforts pour étudier ma yata'allaq bi Ramadan. Avant le mois de Ramadan. On n'attend pas le dernier jour ou le premier jour de Ramadan et on commence à se poser des questions. Thomas Linsan, il demande, est-ce que je peux mettre du parfum? Est-ce que je peux me brosser les dents? Est-ce que je peux faire telle chose? Alors qu'il est en train de jeûner. Et si tu as fait cette chose et c'est pas permis alors que tu pouvais demander? Ah, c'est pas taillé. Linsan, il se prépare. Fait d'où on se prépare certaines choses qui n'ont pas une grande importance. On se prépare à une semaine, un mois avant. Ah, ma, ça, c'est des piliers de notre dîn. Ramadan, c'est un pilier de l'islam. Sha'ban, ça fait partie de la sunna de notre prophète, alayhi salam. Enfin, on s'habitue à ça. Quand il y a une mounas, ça va, il y a une adoration qui est liée à un temps ou un lieu et tu es concerné, fais des efforts pour apprendre. Si tu n'as pas la capacité, demande. Fais des recherches. On vient à une époque où c'est beaucoup facilité. Et dans tes recherches et dans ta demande, tu dois avoir un comportement. Ton but, c'est la vérité. La sincérité pour mettre en application. Quand tu as appris quelque chose, propage-le. Ces trois points. La sincérité dans tout. Les adorations. Ton but, c'est la vérité. Ton but, c'est pas de prendre l'avis de la majorité ou un avis qui t'arrange. Là, c'est pas ça. C'est al-haq, la vérité qui est fondée sur dalil. Thumma, quand tu as cette vérité, fais-en profiter les autres. Hatta, tu fais les efforts pour la mettre en application, cette adoration, tu auras une énorme récompense. Et kadalik, tu auras la récompense de tous ceux qui l'appliquent et dont tu as été la cause. Ah, là, c'est un fadl azim. Thumma, il a cité, rahimahullah, le dernier majlis, la dernière assise, fi siyam akhir sha'ban. Vous avez remarqué que Sha'ban, il a cité que le jeûne, rahimahullah, dans ce livre. On rappelle, ce livre, il cite les mois de l'année, tout ce qui est lié comme adoration au comportement, par rapport à l'histoire, s'il y a eu une bataille, s'il y a eu quelque chose dans ce mois. Vous avez remarqué que Sha'ban, il a cité que le jeûne. Ça nous montre que As-Sunnah dans ce mois, c'est l'Osriyam. Wa illa, c'est un mois comme les autres. Qala, al-majlis al-thalith fi siyam akhir Sha'ban. Thabata fi as-sahihayn an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala li rajulin, hal sumta fi sarari hadha ash-shahr shay'an? Qala la. قال فإذا أفطرت فصوم يومين. وفي رواية للبخاري أظنه يعني رمضان. وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ سرر أي آخر، سرر أي آخر شعبان. قال فإذا أفطرت من رمضان فصوم يومين مكانه. وفي رواية يوما أو يومين شك شعبة. Donc ce point il est important, il est lié à notre sujet. Est-ce qu'on peut jeûner la fin de Sha'ban? Al-Imam ibn Rajab rahimahullah قال وإنما يشكل على هذا الحديث أي الحديث qu'on vient de citer. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا من له عادة أو من كان يصوم صوما. Donc tu as plusieurs points à prendre en compte. أولا jeûner les derniers jours de Sha'ban, le dernier jour ou les deux derniers jours, c'est manhiyun an. On ne doit pas les jeûner. Pourquoi? Les anna, ça peut être le jour du doute ou ça peut être le mois de Ramadan. Matalan, si on est le 29 et on ne sait pas est-ce que ça va être un jour de un mois 29 ou 30, jeûner le 30, c'est manhiyun an. Les madalan, on peut s'apercevoir au dernier moment que c'est Ramadan. Et on peut pas mélanger Sha'ban et Ramadan. هذا اولا. ثانيا il a précisé هنا رحمه الله et c'est قول كثير من العلماء ان celui qui a l'habitude de jeûner يصوم. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi l'habitude de jeûner? Ça veut dire que si انت مثلا demain on est le 29. Ça peut être le dernier jour de Sha'ban. Et tu as l'habitude de jeûner le lundi. Et ce jour ça tombe le lundi. Il y a un jour où là que tu jeûnes. C'est permis pour toi de jeûner. Pourquoi? Parce que tu as ce siyam. Et fil haqiqa di ziyada alay fil hadith. Alay fil hadith. Ou dans une riwaya. Fima athkur. Fa hada. Donc, si tu as l'habitude de jeûner le lundi, le jeudi, ou siyam daoud, matalan, un jour tu ne jeûnes pas, et ça tombe sur ce jour, il n'y a pas de problème, c'est permis. Amma wahad, il n'a pas l'habitude de jeûner. Et ce jour il est jeune, fala, la yajouz. Pourquoi? Parce que ça peut être le jour du tout. Qala wa aktharu al-ulama ala annahu naha 'an at-taqaddum illa man kanat lahu 'ada bit-tatawwu' fihi. Na'am. Donc c'est akthar al-ulama. Wa yunzar, nasit, est-ce qu'il y a une ou si j'ai pas mélangé avec un autre hadith, est-ce qu'il y a une ziyada illa man kana lahu sawman falyasumhu. Nasit, est-ce que c'est hadith am la? Qala, hada c'est facile à vérifier. Vous revenez à Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. عند الحديث إن شاء الله vous regardez est-ce que cette ziyada elle est موجوده. قال وهو ظاهر الحديث. نعم فنعم فكانه ça fait partie du hadith. Est-ce qu'on peut vérifier بسرعه si on a مرجع. نعم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. Donc, ne devancez pas Ramadan par un jour de jeûne ou deux jours. Illa rajulan, sauf un homme, kana yassoumu souman, fal yassoumu. Sauf un homme qui avait l'habitude de jeûner, fa qu'il jeûne. Mathalan, ça tombe sur le lundi. Ou il fait siyam daoud, ou ça tombe sur le jeudi, fa hada, c'est permis. Donc, il n'y a aucun doute que le qawl sahih, c'est cela. Qala, wa lam yathkur akthar al-ulama fi tafsirihi bidhalik ikhtilafan, wa huwa alladhi ikhtarahu al-shafi'i. في تفسيره ولم يرجح ذلك الاحتمال المتقدم إلى آخره. نعم. ثم قال وعلى هذا فيرجح حديث أبي هريرة على حديث عمران، فإن حديث أبي هريرة فيه نهي عام للأمة عموما، فهو تشريع عام للأمة فيعمل به. لماذا؟ لأن حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم يقول demandé est-ce qu'il a jeûné la fin de Sha'ban. فعمران il lui a dit لا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il lui a dit après Ramadan jeûne. بعض العلماء يسيت هذا الحديث pour montrer que celui qui a l'habitude de jeûner et un jeûne recommandé bien sûr et il le manque, c'est permis de le rattraper. C'est permis de le rattraper. Fallait هذا النبي صلى الله عليه وسلم il a conseillé à Imran de rattraper ses jours et c'était la fin de Sha'ban. لكن on a ce hadith, hadith Abi Hurayra رضي الله عنه il est dans le Sahih et le النبي صلى الله عليه وسلم il a نهى de jeûner la fin. Et Al-Hafid ibn Rajab رحمه الله il a montré هنا أن الحديث أبو هريرة يبصمه. قال وأما حديث عمران فهي قضية عين في حق رجل معين. هذا سهل. important في الترجيح. on l'a pas cité في درسنا في الأصول, لكن c'est un point important. أن أحيانا il y a un jugement qui concerne une personne. كما في حديث الرضاعة, cette femme qui allaitait un enfant qui était assez âgé. بعض العلماء يقولون c'est قضية عين, et c'est une situation spécifique. Cette femme qui avait élevé cet enfant qui avait atteint un certain âge, thumma, vu que c'était pas son enfant, ça pouvait pas être un mahram. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de l'allaiter, hatta ça devient son fils de lait. Celui qui est concerné par cette situation, بعض العلماء il dit c'est permis. Amma tout le monde là. فهكذا هنا Imran radiallahu anhu, ce hukm c'était pour lui, c'était pas pour tout le monde. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé à lui. Amma hadith Abi Huraira, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait un nahi am. La taqaddamu, et ne devancez pas, ça concerne toute la umma. هذا على قول كحديث عمران بيان سوغ إلي صحيح إلي بشاد إلى آخره. على كل حال الصحيح سيكون سبع سوغ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وفي الجملة فحديث أبي هريرة هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من العلماء, وأنه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيومين بيوم نعم نعد بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عادة ولا سبق منه الصيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره. Et c'est ça القول الواضح الصحيح. Donc c'est pas permis de jeûner un ou deux jours avant شعبان, sauf celui qui a l'habitude de jeûner, ça tombe sur un jour qu'il a l'habitude de faire une sunna. وإلا فلي autres ils ont pas le droit. Et في الفقه النصيحة أن الطالب المؤمن il choisit l'aqwal al-sahiha al-wadaha et il s'éloigne de al-gharaib. Dès que tu étudies le fiqh khasatan en profondeur, ahyanan tu tomberas sur des aqwal ghariba jiddan. Des aqwal, des avis qui sont étranges ahyanan. Imma c'est fondé sur un hadith da'if, imma c'est l'avis d'un rapporteur, imma c'est l'avis d'un imam, lakin il contredit les autres. Et fihi shay min al-gharaba, ça arrive. Ça arrive des choses que la plupart des gens ils n'acceptent pas ou ils ne mettent pas en application, alors que tu as un hadith sahih qui montre autre. Accroche-toi au hadith sahih, accroche-toi à kalam ahl al-ilm, et alhamdulillah al-sahih c'est sahih. فلهذا العلماء كلام مالك وغيره كانوا يحذرون من الغرائب, ils mettaient en garde contre les avis étranges. Et عيادا بالله بعض الناس يبتلوا أنهم ils font tout pour suivre les avis étrangers, pour les rechercher. Ça, c'est mina shura. Bardanès, ils aiment bien se montrer. J'ai trouvé un avis que personne connaissait. Et en général, ces avis que pas beaucoup de monde y connaissent, en général, c'est fondé sur des hadiths faibles. En général, c'est fondé sur une mauvaise compréhension. Et là, notre din, il est clair. A'immatou salaf, ils l'ont répondu. On fait attention à l'gharaib, à les avis étranges. Thumma qal, rahimahullah, le dernier point. ومع هذا فكان من السلف من يتقدم للإحتياط والحديث حجة عليه. هذا هو كلام أهل العلم. Certains سلف, c'est rapporté authentiquement, certains سلف, أنهم يجنوا juste avant رمضان من باب الإحتياط. أي pour être sûr de ne pas manquer رمضان. Pourquoi? لأن le dernier jour de شعبان, ou l'avant-dernier, on ne sait pas si ça va être un jour de 29 ou 30. Les mois lunaires, c'est imma 29, imma 30. Il n'y a pas 31. Et il n'y a pas 28. C'est 29 ou 30. Donc, il y a toujours ce doute. Est-ce que le 29, c'est le dernier jour ou 30, c'est le dernier jour? Donc, si le 29, c'est le dernier jour, il n'y a pas de 30. Donc, le premier, c'est Ramadan. Mafhoum? Imma, le 30, ça sera Sha'ban. Imma, il n'y a pas de 30 et le premier, c'est Ramadan. Donc, c'est le jour du doute. Et ahyanan, c'est déjà arrivé dans l'histoire plusieurs fois. Les muslimines, ils ne font pas siyam le premier de Ramadan en pensant que c'est le 30 et ils commencent à partir du 2. Et là, chacun, les croyants dans ce cas, ils sont excusés. Imma, il y avait des nuages, imma, ils n'ont pas vu. Mouhim. Et après, à la fin, après le Eid, ils rattrapent le jour. Adam Marouf, cette fatwa des savants. Alors que les hans, certains salafs, pour éviter tout cela, ils jeûnaient juste avant, pour être sûr d'avoir jeûné Ramadan. Adam, c'est pas sahih. On répète le kalam d'Ibn Rajab, maintenant que tu as compris as-surah. قال, ومع هذا, فكان من السلف من يتقدم للإحتياط. L'ihtiyat, c'est la précaution. قال ابن رجب رحمه الله والحديث حجة عليه. Ça, ça nous montre qu'en quand il y a un hadith, on n'a pas besoin d'appliquer de précaution. La précaution, c'est le hadith. Même si un imam, il a fait cette chose. لماذا لأن alhamdulillah la plupart des salafs ils faisaient pas هذا et هذا الإمام cet imam parmi les salafs qui a fait cette chose alhamdulillah c'est un imam mujtahid, il a une récompense, il s'est trompé لكن on n'a pas le suivre dans l'erreur et on le respecte et on l'aime فيلا et ça ça nous montre كذلك أن الحجة c'est le hadith. On vit à une époque والله المستعان أن on parle pas نحن de ce genre de مسائل avec un effort et le but c'est Al-ibada, matalan, haoula, qui ont jeûné juste avant, c'était pour tellement qu'ils aimaient le jeûne, tellement qu'ils craignaient de manquer un jour, ça les a poussés à hada. Et le hadith, c'est une preuve, on n'a pas le droit de jeûner avant. Mais on vit à une époque, certaines choses, des bida'a ou du haram, et peut-être que wahad il s'est trompé, une fatwa ou autre, et bah, d'annas, ils rejettent le hadith droit et ils disent, mais y'a khilaf. Et après, c'est khilaf. Bien sûr qu'il y a khilaf dans beaucoup de masaïl. Lakin, on doit s'habituer à hadal qawl wal hadith hujjatun alay. Ba'd an-nas, vous avez remarqué, quand il traite un sujet, il demande pas c'est quoi le hadith. Maintenant, tu vas parler avec lui, tu vas lui citer des hadiths, à la fin, il dit, il y a khilaf. Al-khilaf, c'est pas un argument. Al-khilaf, c'est une information, on le sait qu'il y a khilaf. Lakin, c'est quoi le haqq? La question, on doit pas se poser, est-ce qu'il y a khilaf? La question, on doit se poser, c'est quoi la vérité? On sait qu'il y a khilaf, on n'a pas besoin de se poser la question. On le sait, tel savant il a dit telle chose, tel savant il a dit telle chose. On n'a pas besoin de répéter, il y a khilaf, il y a divergence. Là, on doit chercher. C'est quoi les arguments de ceux qui ont dit c'est permis? C'est quoi les arguments de ceux qui ont dit c'est interdit? Est-ce qu'il y a un dalil dans le Coran? Est-ce qu'il y a un hadith du prophète alayhi sallam? Thumma les hadiths, on regarde. Est-ce qu'ils sont sahihs? S'ils sont pas sahihs, on regarde une étude. C'est qui a al hadith sahih ma? À la fin, on pourra conclure, walillahil hamd. Si on n'a pas le niveau pour faire cette recherche, on demande aux savants et on donne de l'importance aux preuves qu'ils citent. Pas comme ils font certains, Cheikh Al-Albani, il a dit, rahimahullah. Cheikh Mokbil, il a dit, rahimahullah. Cheikh Al-Fawzan, il a dit, rahimahullah. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a khilaf, l'an. Peut-être que Cheikh Al-Fawzan l'a dit ce qu'on, et peut-être que c'est Cheikh Al-Albani qui a le haqma. Donc on fait attention. L'importance, comme on l'a cité précédemment, la sincérité est ton objectif, c'est le haqq. Est-ce que واحد الان c'est permis qu'il dise مثلا انت tu lui dis ya akhi j'ai appris un hadith du prophète عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام نعم كما حديث ابي هريره رضي الله عنه الحديث اللي في الصحيحين نص صحيح البخاري وصحيح مسلم لا تقدموا رمضان بصوم او بصوم يوم ولا يومين الا رجلا كان له صوما يصوم فليصومه الحديث ثم هو يتدي ما j'ai lu que un salaf parmi les salaf, il jeûnait un jour avant par précaution. Est-ce que c'est permis, Hada? Hada, c'est pas permis. C'est pas permis dans un imam parmi les salaf. Ou deux, ou trois, ou dix. Ah, Mimbab, oh là, c'est pas permis avec un savant contemporain. Là, les al hadith, il passe avant. Si, ouais, il te dit, mais un salaf, il a dit, un tu lui dis, mais un rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Et Abu Bakr, radiyallahu an, et Omar, et Uthman, et Ali, et tu lui cites Sahaba, radiyallahu anhum, et A'immat al-Sunna, l'imam Ahmad, l'imam Bukhari, ils ont dit, pourquoi tout ça on le délaisse? Alors qu'il y a un hadith. On doit avoir ce comportement, et alhamdulillah, on a traité ce sujet avec nos frères dans une kalima, de la kalima Cheikh Al-Fawzan sur le fait de prendre pour argument al-khilaf, walillahi alhamd. Lakin, c'est un rappel muhim, l'imam, l'yanna hada yatakarr, l'yanna ça se répète kathiran, ahyanan tat'ab, tu montres. Tu traites un sujet, tu propages, tu réponds, tu montres. À la fin, il te dit, mais, wahad, il te dit, mais, il y a khilaf, un tel, il a dit. Ah, là, normalement, il doit réécouter, relire, et on doit tous se corriger. Wallah al-musta'an. Ala kulli hal, qala al-hafid ibn Rajab, rahimahullah, wa lihada nuhi an siyam yawmi shak. Qala Ammar, radiyallahu an, man samahu faqad asa ab al-qasim. Et rajoute hada. Andur Ammar, radiyallahu anhu, c'est un compagnon, un grand compagnon, parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu salam. Il a précisé, man sama, celui qui jeûne le jour du doute. On a expliqué c'est quoi le jour du doute. Faqad asa Abu al-Qasim, alayhi salatu salam. Il a désobéi au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est haram, amla? قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع Ammar, radiyallahu anhu, il a cité cette kalima, il peut pas l'avoir dit de lui-même. Il peut pas rendre une chose halal ou haram de lui-même. Abadan, c'est un grand compagnon, radiyallahu anhu. S'il a dit, celui qui jeûne, il a désobéi au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a entendu plusieurs preuves que c'est pas permis. Et, walillah alhamd, il nous l'a résumé en une phrase, radiyallahu anhu. Wa shirn al-Uzaymin, rahimahullah, قال في الممتع شرح الممتع الشرح الممتع الصح هذه الأقوال هو التحريم. Il y a une divergence. Est-ce que c'est interdit ou c'est macro détestable de jeûner le jour du doute? As-sahih, c'est que c'est interdit. Donc tu as la parole du prophète عليه السلام. أي لا تقدم رمضان بالصوم يوم أو يومين. Tu as le أثر de Ammar رضي الله عنه. Celui qui jeûne, il a désobéi au messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Tu as la parole de Al-Hafid ibn Hajar, de Shir ibn Uthaymin, rajoute Shir ibn Baz et kathir min al-a'imma. Al-mutaqaddimin wa al-mutaakhirin. Thumma qala Al-Hafid rahimahullah, wa yawmu shak, huwa al-yawm alladhi yushakku fi, hal huwa min Ramadan ou ghayri. On a expliqué. C'est le dernier jour de Sha'ban. Qala fa kana min al-mutaqaddimin man yasumuhu ihtiyatan. Donc certains, parmi les salaf, ils le jeûnaient par précaution. ورخص فيه بعض الحنفية للعلماء في أنفسهم خاصة دون العام. Certains savants du madhhab Hanafi, ils ont dit c'est permis pour les savants de jeûner, pas pour les masses, pour la masse. Pourquoi? قال لئلا يعتقد وجوبه بناء على أصلهم في أن صوم رمضان يجزي بنية الصيام المطلق والنفل ويوم الشك هو الذي تحدثت برواية برؤيته من لم يقبل قوله. Et هذا c'est un كلام il est pas صحيح. Il y a aucune différence entre les savants et les gens de la masse. Les savants ils doivent obéir au prophète صلى الله عليه وسلم comme les gens de la masse. Et alhamdulillah nos savants c'est ceux qui obéissent le plus au prophète عليه الصلاة والسلام. على كل حال on a cité هذا القول parce que l'imam ibn Rajab il l'a cité. وإلا فالمسألة elle est très simple. يوم الشك c'est interdit de le jeûner. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihada. Wallahi alhamd. On a fini le résumé de ce mois de Sha'ban. Et il y a quelques jours, on a fait le mois de Rajab. Et concernant le mois de Ramadan, dans quelques jours, wallahi alhamd, l'année dernière, avant l'année dernière, ou il y a deux ans, on avait résumé cette partie, na'am, la ta'if al-ma'arif de Al-Hafid ibn Rajab concernant le mois de Ramadan en six cours fima athkor et on les a propagés walillahi alhamd. On conseille nos frères de faire des efforts et d'en profiter pour réviser le mois de Ramadan. Ceux qui comprennent l'arabe, fa alhamdulillah kutub ahli al-ilm kathira. Et parmi les livres les plus simples, al-mulakhas al-fiqhi de Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il est tayyib jiddan. Et on l'a expliqué walillahi alhamd l'année dernière ou il y a deux ans, les sites, et on l'a propagé. Et كذلك عمدة الأحكام le chapitre du siyam il est très simple et on l'a expliqué wallahi alhamd et كثير من أهل العلم ils l'ont expliqué et كذلك le chapitre du siyam de بلوغ المرام كذلك le chapitre du siyam de منهاج السالكين de الشيخ سعدي رحمه الله il est très très simple كذلك les fatawa de l'ulama الشيخ بن عثيمين رحمه الله il a des fatawa في رمضان très très simple on fait des efforts أولا pour toi il y en a wallahi alhamd tu es un musulman et tu es concerné par cette obligation et tu dois jeûner. Donc tu dois jeûner comme il faut. Et كذلك pour les autres. Peut-être que si tu es marié, ta femme elle a besoin de certaines choses, tes enfants ils ont besoin de certaines choses, tes parents ils ont besoin, peut-être tes voisins. Enfin, si c'est pas nous qui faisons des efforts et qui montrons sunnah, les gens ils ont besoin. Al-awam ils ont besoin de certaines choses. Ta'lamoun na fi Ramadan, beaucoup de gens ils se posent des questions, ila akhirah. Et s'ils trouvent pas la réponse 'inda sunni, ils trouveront une réponse fausse ou une bid'a. Probablement, ça peut être كذلك la vérité, chez un ignorant ou chez un égaré. On doit faire des efforts, on a une responsabilité عظيمة. Et الذي لم يشعر بالمسؤولية, il n'avancera pas. Mais celui, avec une bonne intention bien sûr, et sans cette responsabilité, il doit faire des efforts lui-même, et il doit essayer d'aider les autres. هذا inshallah ta'ala, on est à la moitié de Sha'ban. Et il a là, il sent cette responsabilité. Je vais commencer Ramadan, je dois me préparer. Bardanas, pour le permis de conduire, il se prépare pendant 6 mois. Bardanas, pour un examen, Obama qui est fondé sur l'ignorance, sur les péchés, il se prépare un an. Pour quelque chose de dunya. Et nous, pour un pilier de l'islam, ça peut être la cause qu'on rentre vers le Jannah. Man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne Ramadan, imanan wa ihtisaban. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne ses péchés passés. Et là, chacun a l'ilm, ça aide. Et l'ignorance, L'insan, il peut être excusé, celui qui n'a pas la capacité, mais celui qui a la capacité d'apprendre, demander, et il fait des choses qui font du mal à son Seigneur, même s'il ne savait pas, il peut ne pas être excusé s'il avait les moyens d'apprendre. Al-Nasiha al-Jami' c'est de faire des efforts. Hakada toute notre vie. Al-Al, on est Sha'ban, on a étudié un peu Sha'ban. Thumma, on reprend, Inch'Allah, l'Aqida. Thumma, Ramadan, des efforts fait Ramadan. Thumma, après Ramadan, on reprend. Aqida, Tawhid, Fiqh, ila akhiri. Thumma, l'Hajj. Quand il arrive, on refait des efforts pour montrer où est d'aïman le musulman. Hatta yamout. Hatta yamout ala hada tariq wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala husn al-khatima. Naktafi bihada wa alhamdulillahi rabbil alamin.